basketteur et une Miss France. Martin est basketteur, il joue en Pro A. Il est en proie à un avenir prometteur. Mifou, Missou, un hybride débridé, au visage ridé, aux yeux rivés, sur elle, Chloé. Elle pousse son caddie, il épouse un regard ravi. Il sort souriant du super rue, puis déambule dans la rue. Il la fait sourire, elle le fait rajeunir. Il se voit à ses côtés en maillot à maillotte. Lorsqu'elle le voit s'émouvoir, elle ne fait que s'émouvoir. Basketball player with a top model. Il est encore à la bourre, il boit vite une cronenbourg. Elle pleurniche en promenant son caniche. Nos protagonistes en prennent des chemins antagonistes. Il fait partie d'un groupuscule qui se lève au crépuscule. Elle appartient à la France qui se lève tôt, qui dès l'aurore a déjà mis son manteau. Il la fait sourire, elle le fait rajeunir. Il se voit à ses côtés en maillot à maillotte. Lorsqu'elle le voit s'émouvoir, elle ne fait que s'émouvoir. A basketball player with a top model. Elle sort de l'acupuncture, puis se rend à la manicure. Elle poursuit par un brushing, une séance de shooting, du shopping. On entend retentir l'Angélus, il mange une assiette de Findus. En buvant une spécialité russe, puis il empoche sa carte de bus. Le temps de remplir un formulaire, il lui parle, il tempère, et lui dit qu'il souhaite faire une carrière dans l'humanitaire. Il la fait sourire, elle le fait rajeunir. Il se voit à ses côtés en maillot à maillotte. Lorsqu'elle le voit s'émouvoir, elle ne fait que s'émouvoir. A basketball player with a top model. Il la fait sourire, elle le fait rajeunir. Il se voit à ses côtés en maillot à maillotte. Lorsqu'elle le voit s'émouvoir, elle ne fait que s'émouvoir. A basketball player with a top model. Il la fait sourire, elle le fait rajeunir. Il se voit à ses côtés en maillot à maillotte. Lorsqu'elle le voit s'émouvoir, elle ne fait que s'émouvoir. A basketball player with a top model.